Une conquête. Un jeune homme marchait le long du boulevard et sans songer à rien, il allait seul et vite, n'effleurant même pas de son vague regard ces filles dont le rire, en passant, vous invite. Mais un parfum si doux le frappa tout à coup qu'il releva les yeux. Une femme divine passait. À parler franc, il ne vit que son cou. Il était souple et rond sur une taille fine. Il la suivit. Pourquoi ? Pour rien. Ainsi qu'on suit un joli pied cambré qui trottine et qui fuit, un bout de jupon blanc qui passe et se trémousse. On suit. C'est un instinct d'amour qui nous y pousse. Il cherchait son histoire en regardant ses bas. Élégante, beaucoup le sont. La destinée l'avait-elle fait naître en haut ou bien en bas? Pauvre, mais déshonnête, ou sage et fortuné? Mais comme elle entendait un pas suivre le sien, elle se retourna. C'était une merveille. Il sentit en son cœur naître comme un lien et voulut lui parler, sachant bien que l'oreille est le chemin de l'âme. Ils furent séparés par un attroupement au détour d'une rue. Lorsqu'il eut bien maudit les badauds désœuvrés et qu'il chercha sa dame, elle était disparue. Il ressentit d'abord un véritable ennui, puis, comme une âme en peine, erra de place en place, se rafraîchit le front aux fontaines ou à l'as, et rentra se coucher fort avant dans la nuit. Vous direz qu'il avait l'âme trop ingénue. Si l'on ne rêvait point, que ferait-on souvent? Mais n'est-il pas charmant, lorsque gémit le vent, de rêver près du feu d'une belle inconnue? De ce moment si court, 8 jours, il fut heureux. Autour de lui dansaient les seins brillants des songes qui sans cesse éveillaient en son cœur amoureux les pensées les plus doux et les plus doux mensonges. Ses rêves étaient sots à dormir tout debout. Il bâtissait sans fin de grandes aventures. Lorsque l'âme est naïve et qu'un sang jeune bout, notre espoir se nourrit aux folles impostures. Il la suivait alors aux pays étrangers. Ensemble, ils visitaient les plaines de l'Hélade, et comme un chevalier d'une ancienne ballade, il l'arrachait toujours à d'étranges dangers. Parfois, au flanc des monts, au bord d'un précipice, ils allaient échangeant de doux propos d'amour. Souvent même, il savait saisir l'instant propice pour ravir un baiser qu'on lui rendait toujours. Puis, les mains dans les mains et penchés aux portières, d'une chaise de poste emportée au galop, il restait là, songeur, durant des nuits entières, car la lune brillait et se mirait dans l'eau. Tantôt, il la voyait, rêveuse châtelaine, aux balustres sculptés des gothiques balcons, tantôt folle et légère, et suivant par la plaine le lévrier rapide ou le vol des faucons. Page, il avait l'esprit de se faire aimer d'elle. La dame au vieux baron était vite infidèle. Il la suivait partout et dans les grands bois sourds, avec sa châtelaine, il s'égarait toujours. Pendant 8 jours entiers, il rêva de la sorte. À ses meilleurs amis, il défendait sa porte, ne recevait personne, et quelquefois le soir, sur un vieux banc désert, seul, il allait s'asseoir. Un matin, il était encore de bonne heure, il s'éveillait, bâillant et se frottant les yeux. Une troupe d'amis envahit sa demeure, parlant tous à la fois, avec des cris joyeux. Le plan du jour était d'aller à la campagne, d'essayer un canot et d'errer dans les bois, de scandaliser fort les honnêtes bourgeois et de dîner sur l'herbe avec glace et champagne. Il répondit d'abord, plein d'un parfait dédain, que leur fête pour lui n'était guère attrayante. Mais quand il vit partir la cohorte bruyante et qu'il se trouva seul, il réfléchit soudain. Qu'on est bien pour songer sur les berges fleuries, et que l'eau qui s'écoule et fuit en murmurant soulève mollement les tristes rêveries, comme des rameaux morts qu'emporte le courant. Et que c'est une ivresse entraînante et profonde de courir au hasard et boire à plein poumon le grand air libre et pur qui va des prés aux monts, l'âpre senteur des foins et la fraîcheur de l'onde. Que la rive murmure et fait un bruit charmant, qu'aux chansons des rameurs les peines sont bercées et que l'esprit s'égare et flotte doucement, comme au courant du fleuve, au courant des pensées. Alors il appela son groom, sauta du lit, s'habilla, déjeuna, se rendit à la gare, partit tranquillement en fumant un cigare et retrouva bientôt tout son monde à Marly. Des larmes de la nuit, la plaine était humide. Une brume légère, au loin, flottait encore. Les gais oiseaux chantaient et le beau soleil d'or jetait mainte étincelle à l'eau fraîche et limpide. Lorsque la sève monte et que le bois verdit, que de tous les côtés la grande vie éclate, quand au soleil levant tout chante et resplendit, le corps est plein de joie et l'âme se dilate. Il est vrai qu'il avait noblement déjeuné. Quelques vapeurs de vin lui montaient à la tête. L'air des champs, pour finir, lui mit le cœur en fête, quand au courant du fleuve il se vit entraîné. Le canot lentement allait à la dérive. Un vent léger faisait murmurer les roseaux, peuple frêle et chantant qui grandit sur la rive et qui puise son âme au sein calme des eaux. Vint le tour des rameurs, et suivant la coutume, leur chant rythmé frappa l'écho des environs, et conduit par la voix, dans l'eau blanche d'écume, de moment en moment tombaient les avirons. Enfin, comme on songeait à gagner la cuisine, d'autres canots, soudain, passèrent auprès d'eux. Un rire aigu partit d'une barque voisine et s'en vint droit au cœur frapper mon amoureux. Elle, dans une barque, étendue à l'arrière, elle tenait la barre et passait en chantant. Il resta consterné, pâle et le cœur battant, pendant que sa beauté fuyait sur la rivière. Il était triste encore à l'heure du dîner. On s'arrêta devant une petite auberge, dans un jardin charmant, par des vignes bornées, ombragées de tilleuls et qui longeaient la berge. Mais d'autres canotiers étaient déjà venus. Ils lançaient des jurons d'une voix formidable, et faisant un grand bruit, ils préparaient la table qu'ils soulevaient parfois de leurs bras forts et nus. Elle était avec eux et buvait une absinthe. Il demeura muet. La drôlesse sourit, l'appela. Lui restait stupide. Elle reprit. « Ça, tu me prenais donc, Nigo, pour une sainte ?» Or, il s'approcha d'elle en tremblant. Il dîna à ses côtés et même au dessert s'étonna de l'avoir pu rêver d'une haute famille, car elle était charmante et gaie et bonne fille. Elle disait « Mon singe » et « Mon rat » et « Mon chat » lui donnait à manger au bout de sa fourchette. Ils partirent le soir tous les deux en cachette et l'on ne sut jamais dans quel lit il coucha. Poète au cœur naïf, il cherchait une perle. Trouvant un bijou faux, il le prit et fit bien. J'approuve le bon sens de cet adage ancien. Quand on n'a pas de grive, il faut manger un merle.